Le lendemain, les deux amants partent à Paris. Nous prîmes un appartement meublé à Paris. Ce fut dans la rue V, point de suspension, et pour moi à l'heure, auprès de la maison de Monsieur de B, point de suspension, célèbre fermier général. 3 semaines se passèrent, pendant lesquelles j'avais été si rempli de ma passion que j'avais peu songé à ma famille et au chagrin que mon père avait dû ressentir de mon absence. La tranquillité où nous vivions servit à me faire rappeler peu à peu l'idée de mon devoir. Je résolus de me réconcilier, s'il était possible, avec mon père. Ma maîtresse était si aimable que je ne doutais point qu'elle n'eût pu lui plaire si je trouvais moyen de lui faire connaître sa sagesse et son mérite. En un mot, je me flattais d'obtenir de lui la liberté de l'épouser, ayant été désabusé de l'espérance de le pouvoir sans son consentement. Je communiquai ce projet à Manon, et je lui fis entendre qu'outre les motifs de l'amour et du devoir, celui de la nécessité pouvait y entrer aussi pour quelque chose, car nos fonds étaient extrêmement altérés, et je commençais à revenir de l'opinion qu'ils étaient inépuisables. Manon reçut froidement cette proposition. Cependant, les difficultés qu'elle y opposa n'étant prises que de sa tendresse même et de la crainte de me perdre si mon père n'entrait point dans notre dessein, après avoir connu le lieu de notre retraite, je n'eus pas le moindre soupçon du coup cruel qu'on se préparait à me porter. À l'objection de la nécessité, elle répondit qu'il nous restait encore de quoi vivre quelques semaines et qu'elle trouverait, après cela, des ressources dans l'affection de quelques parents à qui elle écrirait en province. Je lui avais laissé la disposition de notre bourse et le soin de payer notre dépense ordinaire. Je m'aperçus peu à peu que notre table était mieux servie et qu'elle s'était donnée quelques ajustements d'un prix considérable. Comme je n'ignorais pas qu'il devait nous rester à peine 12 ou 15 pistoles, je lui marquai mon étonnement de cette augmentation apparente de notre opulence. Elle me pria, en riant, d'être sans embarras. « Nous ai-je pas promis, me dit-elle, que je trouverais des ressources ?» Je l'aimais avec trop de simplicité pour m'alarmer facilement.